Section 50 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e. Section 50. Un vieux, par Pierre Loti. Chapitre 8. Des années, encore des années, avaient passé là-dessus. Ces campagnes, ces fatigues, ces nuits de veille, de souffrance ou de plaisir, avaient continué de s'accumuler les unes par-dessus les autres, sous tous les climats du monde. Il avait eu une insolation au Gabon, la fièvre jaune au Sénégal, la dysenterie en Cochinchine, et des échouages et des naufrages, et des blessures, des balafres et des fièvres. Un amiral, qui souvent reparaissait encore dans sa vieille mémoire, l'avait pris en estime, et alors l'ambition lui était venue. Pendant une expédition d'Afrique, on l'avait décoré à cause d'une balle reçue volontairement en pleine poitrine, en se jetant devant un officier, par un mouvement sublime, pour le couvrir de son corps. À la fin, on l'avait nommé premier maître, un grade honorable et assez bien rétribué, le plus haut que les matelots puissent atteindre. Et comment dire ce qu'il avait dépensé pour en venir là, d'années de force, de vigilance, d'énergie, de voix et de muscles, et de souffle, dans son sifflet d'argent. Cependant, les femmes ne le dédaignaient pas encore. Il avait gardé sa belle tournure et son air de décision. Avec le temps, il avait repris sa gaieté mordante de matelot. Peu à peu, lui était venu ce genre d'esprit, des grands rouleurs, auxquels l'habitude des situations extrêmes donne une étonnante aisance. Rien ne le déconcertait jamais, et il tranchait tout par des réparties brèves, auxquelles se mêlaient bizarrement des images empruntées aux choses de la mer. Les femmes ne le dédaignaient pas encore, et pourtant il était usé, comme on dit en marine, aussi bien des vieux serviteurs que des vieux navires. Usure des marins, sourde, profonde, que rien n'arrête plus. Tous les vents et tous les soleils les ont vidés sans qu'il y paraisse, et un beau jour il s'affaisse. Alors tout se paye. Excès de travail musculaire, qui leur avait fait les bras si forts, changement perpétuel des climats, gaspillage de sève et de vie, alternance des séquestrations de la mer et des périodes de plaisir où on se donne cœur et sang à des filles quelconques écloses au soleil, et des longues nuits de quart dans les embruns et la pluie, et les tensions d'esprit, et les responsabilités dans les mauvais temps, et les heures d'angoisse. Jean Kervella était déjà très usé par toutes ces choses quand il était venu attendre sa retraite à la division de Brest, encore cambré et de bonne allure dans son uniforme de maître, avec un ruban rouge à sa boutonnière. Et c'est alors qu'il avait acheté sa petite maison de la route de Porzic pour finir là sa vie en face de la rade et des navires. Fin de la section 50, lue par Margot.